3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des Knicks. On est de retour sur KNF TV pour le rendez-vous hebdomadaire à The Knicks Week. On a passé encore une bonne semaine, mais vraiment une très bonne semaine sur la planète Knicks. Sur d'autres planètes, ça s'est moins bien fini. Mais bon, voilà, hein, c'est ça. Avec moi, le fidèle Choubix. Seb, comment vas-tu en ce lundi? Eh ben écoute, nickel. Deuxième week sweep. C'est la fête du sweep. C'est ça. Donc, non, au top, nickel. Quoi. Franchement, bien surpris, bien content. Quoi. La pilule de l'équipe de France est mieux passée. Quoi. Ah là là. Les Knicks fans se portent plutôt bien. L'équipe se porte plutôt bien. Et on espère qu'on va vous faire une bonne petite vidéo. Elle risque d'être longue, elle risque d'être copieuse. C'est bientôt les fêtes. On va être sur une vidéo qui va tourner pour 2 semaines. Parce que oui, on va faire un petit break. Et donc, comme je le dis à chaque fois, on a énormément de choses à dire. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que il se pourrait qu'il y ait une petite surprise. Donc restez bien jusqu'à la fin. Et puis voilà, c'est parti. On lance le débrief, la rétrospective de la semaine passée. Allez, c'est parti. Alors oui, les Knicks se portent bien, les fans des Knicks sont en forme, sont de bonne, ont le moral en ce moment. C'est un peu moins le cas finalement pour les fans, les supporters des Bleus. Et vous le savez, dans Knicks Nation France, il y a France. Bah, on a supporté les Bleus en foot dans la Coupe du Monde au Qatar. Pas de boycott. Mais ça s'est pas bien fini. Il y a eu un super match et une super finale. Enfin, du moins. Incroyable. Moi qui suis pas un grand fan de foot, j'ai du mal des fois à m'emballer, m'extasier sur les performances des équipes. Voilà, bon. Chacun son sport. Mais c'était une belle finale. On a eu un sacré dénouement. Et malheureusement, bah, ça a pas. Il n'y a pas eu de back-to-back pour les Bleus. Il n'y a pas eu de back-to-back. Même si. Spike Lee avait mis son maillot, était derrière la France. Il n'a pas voulu supporter l'Argentine. Allez savoir pourquoi. Mais ça ne nous a pas porté chance. Et du coup, bah, Gala, elle est restée plutôt dans le panier de pommes. Hein. elle est retournée dans les années 90. On l'a beaucoup entendu et voilà, ça n'aura pas été finalement la victoire au bout. Dommage pour l'équipe de France, mais voilà, ça nous rappelle que le sport, c'est des émotions, qu'on vibre, qu'on pleure, qu'on sourit, qu'on crie de joie ou de tristesse. C'est des émotions et le foot, ça en fait partie. Il faut un gagnant, il faut un perdant, ouais. C'est comme ça. Hein. Voilà, dommage. Dans 4 ans, il y aura une revanche à prendre, on verra. Bon, ça c'est l'histoire du ballon avec les pieds. Nous, on s'occupe du ballon avec les paniers. Et la NBA, c'est un petit peu illustré ces derniers temps. Elle a refait parler d'elle. Avec quoi? Des négociations qui sont en attente hein, sur l'accord collectif, mais surtout des nouveaux trophées. Oui, on connaissait le trophée de MVP, de MIP, de Rookie de l'année, tout ça. Là, les trophées, les trophées évoluent et ils portent même des noms d'anciens joueurs, d'anciennes légendes de la Ligue. Alors, est-ce qu'un joueur des Knicks va réussir à choper un trophée cette saison, un trophée individuel? Ça, c'est pas gagné, même si il y a un nouveau trophée qui est apparu, c'est le trophée du joueur le plus clutch, sous le nom de Jerry West. Ouais. Donc je ne sais pas comment la NBA va se baser pour définir quel est le joueur le plus clutch. Est-ce que c'est le nombre de paniers inscrits dans un laps de temps, en fin de match, en fin de possession, quand il y a plus ou moins d'écart? Bon. En tout cas, on aura peut-être un certain Jalen Brunson qui se retrouvera dans cette course s'il continue cette très bonne saison qu'il est en train de nous faire. Je sais pas, par contre, ce que tu penses de bon, chacun. Donc voilà, il a le nom d'un illustre joueur, mais pour le titre de meilleur défenseur de l'année, je sais pas. Moi, j'aurais vu un Ben Wallace Trophy plutôt qu'un Hakeem Olajuwon. Bon, après c'est mon avis, hein. Mais Hakeem Olajuwon est un super défenseur. Mais je sais pas quand on pense en fait défenseur. Je sais pas, on voit le gros Big Ben avec ses gros muscles et son gros Peut-être bandeau. limité offensivement, mais Ouais, très présent et très précieux défensivement. Ouais. c'est le deep boy, quoi. Et c'est vrai que quand je me suis dit, tiens, peut-être qu'un Ben Wallace l'aurait plus. Mais après, voilà, Hakim Aminora, voilà, c'est un Voilà, autre il y a personnage. une prestance, un prestige du joueur qui est supérieur, je pense, à Ben Wallace, sans vouloir lui faire Ah, bien offense. sûr. Après, en nombre de comment dire, de lauréats, de titres de Defensive Player of the Year remportés, je crois, si je dis pas de bêtises, que Olajuwon, c'est un ou deux, alors que Ben Wallace, on est plutôt sur du 3, et je crois même qu'un Dwight Howard en a gagné 3. Donc effectivement, ils n'ont pas forcément récompensé peut-être le meilleur défenseur Après, de par son CV. c'est le meilleur contreur de l'histoire de l'NBA, Hakim, avec 3830 contres. Alors on mettra un petit astérisk puisque les comptes n'ont pas été comptabilisés dès le début de la ligue. Et c'est vrai que si ça avait été le cas, peut-être qu'un certain Bill Russell aurait eu son mot à dire là-dedans. Et donc voilà. Mais effectivement, bah, fallait le choix des noms, des prestigieux Par contre, je ne sais légendes pas qui comment. portent, qui donnent leur nom au trophée, ça peut être discuté. Bon, en tout cas, Par voilà, ça contre, ressemble à des vases. En tout cas, c'est ça. je sais pas trop comment ils vont arriver, sur quels critères ils vont se baser pour le joueur le plus clutch. Ouais, bah c'est voilà, il y a questionnement, mais bon, la NBA évolue et c'est toujours sympa de voir aussi qu'elle honore ses légendes. Alors, en parlant de légende, de légendaire, de classement all-time, eh ben, il y a encore eu un changement cette semaine. Il y en a un petit peu toutes les semaines en ce moment. Alors, un coup, c'est Julius Randle qui va intégrer le top 30 des meilleurs intercepteurs ou des meilleurs scoreurs ou des ci ou des ça. Là, c'est Tom Thibodeau. Il a grappillé une place dans le classement et il est actuellement 8e meilleur coach all-time des Knicks en termes de victoire. Alors, bon. Beaucoup ricanent de ça parce que effectivement, il n'y a pas énormément de victoires. On est à moins d'une centaine de victoires, mais il y a eu une saison qui était un petit peu raccourcie post-Covid. Et puis, bah, finalement, ça met aussi en évidence cette forte instabilité au poste de coaching pour être dans ce classement des meilleurs coachs. Alors, bon, on est loin de la toute première place hein, de Red Holzman avec ses 613 victoires qui sont honorés au plafond du Garden, mais en tout cas voilà, c'est aussi avec de la longévité à ce poste que on peut s'inscrire dans ce classement. Donc à voir jusqu'où il pourra monter, est-ce qu'il va détrôner Mike Woodson cette saison, qui est le prochain en ligne de mire, est-ce qu'il va grimper jusqu'à Mike D'Antoni, est-ce que Thibodeau va se faire virer avant, on ne sait pas, affaire à suivre. Il y a combien de. Tu le sais ou pas? Combien il y a de victoires d'écart entre les deux? Entre Woodson et Thibodeau. Ouais. Alors la série de Thibodeau est en cours, hein, puisque cette nuit, c'était la 7e victoire consécutive, j'ai pas refait le calcul, mais au moment du décompte en ce début de semaine, Mike Woodson était affiché à 109 victoires et Tom Thibodeau à 92. Donc Ah. peut-être que cette saison, Ah oui. il peut prendre la place de numéro Bah. 7. À voir, Si, à voir. comme disent les analystes, on fait du 50%, bah le record, le choper, hein. Alors, on n'est pas encore du record, mais enfin, en tout cas, il peut grimper des places, tout à fait. En parlant de numéro 7, il y Non, a eu un enfin, pas le record, retour. enfin, tu m'as compris. Ouais, je t'ai compris. En parlant de numéro 7, il y a eu un retour. Un retour, le numéro 7, hein. J'ai sorti le jersey de Noël, le jersey numéro 7, vous connaissez Il les était beau joueurs celui-là. qui ont porté le numéro 7. Et donc, Carmelo Anthony, oui, il a fait son retour. Alors, pas son retour sur les parquets NBA. Pour ceux qui aimeraient le revoir jouer, voilà, il va falloir encore patienter. Est-ce qu'il trouvera une place cette saison? À voir. Mais dans le business, oui, depuis le 12-12-2022, il a lancé sa gamme de vêtements. Il lance également des bougies, des écharpes. Voilà, bon, si vous êtes en manque de Carmelo, voilà, il y a son shop en ligne. Bon, voilà, c'était le petit clin d'œil. Un autre retour qu'il faut noter quand même cette semaine. Et c'est pas un retour qui nous est totalement inconnu. Kemba Walker, oui. Alors il a signé à Dallas, parce que les Dallas Mavericks aiment beaucoup les joueurs des Knicks. Et il a fait plutôt une belle prestation l'autre soir. 32 points, 5 rebonds, 7 assists. C'est pas mal. Est-ce qu'il va être joueur de la semaine? Ça fait un petit coup de revival par rapport à la saison dernière. Bon, on lui souhaite tout un tas de réussite avec Dallas. Mais peut-être que ce n'était que le coup d'un soir. Allons voir, Écoute, tu espérons. sais, comme je réagis sur le compte de Mav France, Donc j'ai cité ce grand philosophe qui est Ian Malcolm de Jurassic Park et qui disait au début on fait ouh waouh, ça commence toujours comme ça. Et puis après il y a des sauts qui peuvent et puis des hurlements. Et ben c'est à peu près la même chose avec Kemba Walker actuellement et ses genoux. C'est-à-dire que il va te faire des cartons, on se rappelle tous de ses débuts tonitruants avec les Knicks. Et puis ensuite ça s'est un peu effondré, notamment sa défense qui était pointée du doigt. Alors il aura pas du tout le même rôle hein, aux Mavs, Non, il n'est pas titulaire non plus. Il n'est pas titulaire mais je là-bas. pense que mais ça va être un mec qui va faire des coups, mais il faut pas s'attendre à plus quoi. Enfin, sa carrière est derrière lui maintenant. Hein. Voilà. Bon, après, s'il arrive à trouver un rôle en sortie de banc et prendre feu quelques soirs, c'est pas plus mal. Mais bon, Ça voilà. sera toujours mieux C'était le petit clin que d'œil. Franck, Nixon. que Francky. Ah, Frankie, Frankie. Il y a beaucoup d'anciens Knicks à Dallas. Mais bon, comme on Ouais. le dit, Knicks un jour, Knicks toujours. Et on lui souhaite tout un tas de Bien réussites. sûr. Ça, c'était le retour de Melo, le retour de Kemba. Et il y a eu un retour qui, là, lui, était beaucoup plus retentissant. C'est le retour de Jalen Brunson. Bah oui, parce que la semaine dernière, ce petit Jalen Brunson, il s'était blessé, il s'était fait la cheville. Il y a eu une petite soirée avec les femmes de certains joueurs. Alors, il n'y avait pas tout le monde sur la photo. On vous laissera regarder, savoir qui est-ce qui manque. Du coup, en tirer des conclusions. Oui, peut-être qu'il y a de l'eau dans l'air entre un tel et un tel. Bon, doucement, doucement. Mais en tout cas, ce que nous, on a vu, hein, c'était les pieds. Les pieds, pas les pieds de ces demoiselles ou de ces dames, mais les pieds plutôt de ces certains joueurs. Et bah, Jalen Brunson, il était chaussé d'une bonne grosse botte médicale. Alors ça nous rassurait pas. C'était juste avant le déplacement à Chicago, le double déplacement. Il y avait Obi Toppin qui avait l'équivalent. Donc est-ce que les deux ont voulu nous faire une petite blague? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Obi Toppin, on le revoit toujours pas sur les parquets. On ne sait pas quand son retour va se faire. Par contre, Jalen Brunson, lui, il est bien revenu sur les parquets malgré cette botte. Bon, est-ce que c'était histoire de faire un fake, ou est-ce qu'il avait vraiment eu besoin de cette protection? En tout cas, Moi, quand on je l'a vu pense. sur les parquets, il n'avait pas l'air d'être gêné Non. d'un point de vue mobilité. Hein. Moi, je pense que c'était peut-être pour se protéger, pour machin, pour pas prendre de risque, quoi. Ouais. Il était quand même bien blessé quand il était sorti. Hein. Quand il était sorti, et du coup, on s'est tout de suite projeté en disant, mais qui va pouvoir prendre ce rôle de C'est vrai. titulaire? Comment on va répartir les minutes? Est-ce qu'il y a un joueur qui va sortir de la rotation? Bon, bah, pff, non, pas la peine. Pas la peine. JB est là, le Bien sûr. boss. Le patron, Et elle patronne. Ah, le patron, le patron. Est-ce que c'est un franchise player? Ah, toujours difficile de coller cette étiquette. Est-ce que c'est un futur All-Star? Ça, on aura l'occasion, je pense, d'en parler dans quelques vidéos dans les semaines à venir. Mais en tout cas, eh ben, Jalen Brunson, il n'avait pas de problème de mobilité. Et il y en a un qui a eu quelques problèmes de mobilité sur la première confrontation à Chicago. C'est Alex Caruso. Parce que sur le premier match, on va avoir l'occasion d'y revenir. Il l'a un peu fait danser, il l'a un peu crossé. Et bah, les Twitter, les twittos de la planète et autres amoureux des montages photos se sont régalés. On a eu du Alex Caruso sur toutes les sauces, sur toutes les formes, sous tous les angles. Et voilà, ça fait partie du game. C'est marrant, ça fait pas, voilà, c'est pas méchant, mais du coup, c'est bien quand c'est un joueur des Knicks qui a une victime et qui est Ouais, pas dans l'autre sens. j'ai lu un truc très marrant. Donc c'était il y avait Caruso et là il y avait Caru Cross. Caru Cross, le pauvre Alex Caruso. Bon, allez, on va revenir maintenant. Il est En temps, plus, il est grand temps. dans le vent parce qu'elle était très sûre. Donc ça a Ah, été une action qui t'as a un peu vraiment été compté coupé, quoi. t'as un peu été C'est coupé, pas. mais c'était sur une action déterminante, effectivement, Ah ouais. sur le match. C'était pas juste une action comme ça, au milieu d'un quart, Non. juste avant un temps mort. C'était une action clutch en plus. Donc voilà, ça compte double, voire triple. Bon alors, du coup, si on parlait de ces matchs la semaine passée, enfin, sur la précédente vidéo, on était sur 1, 2, 3, 0. Et ben là, on remet la même. 1, 2, 3, 0. 3 victoires. Les Knicks sont encore invaincus. 2 semaines d'affilée que les Knicks ne perdent plus. La série, 7 matchs, 7 matchs consécutifs, 6 victoires À consécutives on l'extérieur. the road. Ça fait un moment que c'était pas arrivé. Il faut remonter à la saison 2012-2013, qui était quand même une plutôt bonne saison, hein, faut-il le rappeler, pour les Knicks en tout cas, pour avoir un tel bilan consécutif sur la route. Donc les Knicks sont sur une très bonne série. On ne sait pas quand est-ce que tout ça va prendre fin, parce qu'à un moment donné, eh ben oui, ça va finir par prendre fin. Mais cette semaine, on avait une double confrontation contre Chicago. Un premier match donc, qui s'est soldé par une victoire après prolongation 128 à 120. avec ce fameux Jalen Brunson qui était là dès le coup d'envoi et qui a été un peu, on va dire, il a eu besoin d'un petit mi-temps pour se remettre dans le rythme, mais la seconde mi-temps a été vraiment d'un gros niveau et des paniers clutch. Et la Et prolongation. voilà. Et la Et la prolongation qui fait. prolongation où les Knicks voilà, ont pas laissé une chance aux Bulls. Alors oui, on a été en prolongation, c'était un peu accroché, c'était plus accroché que ce qu'on aurait pu espérer, même si Chicago a besoin de victoire, Chicago a besoin de se remettre bonne direction, c'est compliqué pour eux. Julius Randle a eu le ballon de la gagne à la fin du temps réglementaire. Il avait l'air rincé le Julius hein, sur des vidéos qui sont sorties après le match. On le voit sur le dernier système, le dernier temps mort de Thibodeau. Le gars, il n'en peut plus, il est au bout de sa vie. Alors qu'on le sait, il a plutôt du coffre, il a plutôt un gros moteur. Et voilà, il prend le dernier shoot, il mène la possession jusqu'à la fin. Le shoot n'est pas si mauvais que ça, enfin en termes de position, il le prend avec un bon timing, par contre la gestuelle, le tir, catastrophique. Bon, c'est pas grave, il y a eu derrière Quentin Grimes et Jalen Brunson qui ont fait plus que le boulot sur cette rencontre-là et qui ont permis de s'imposer, et ça permettait de continuer la série. Donc ça, c'était très bien pour lancer la semaine. 2 jours après, on prend les mêmes, on recommence, même tenue, même adversaire, même salle. Là, il n'y a pas eu besoin de Non. prolongation, une victoire plus vite expédié, 114 à 91, donc un deuxième succès consécutif. Et là, sur une rencontre où on a eu l'impression que les Bulls, bah, ils n'avaient pas Non. l'énergie, ils n'avaient pas la niaque, ils n'avaient pas l'envie, ils n'étaient pas en capacité de faire douter les Knicks. Donc là, pour une fois qu'on est dans cette situation-là, ça fait plaisir. Et donc, voilà, après cette double confrontation à Windy City. Direction Indianapolis, Indiana, dans le match de la soirée de dimanche à lundi. Un match plus accroché, beaucoup plus accroché. Des équipes qui se sont tenues, les Knicks n'ont jamais réussi vraiment à faire le break, même s'ils n'ont pas non plus eu à paniquer dans la rencontre. Et puis finalement, en fin de match, encore un gros Jalen Brunson hein, qui répond. Encore un Au Julius Randle talent. qui est aussi. Très précieux sur la ligne des lancers francs, parce que ça s'est joué sur des arrêts de jeu avec des coups de sifflet pour arrêter le chrono. Voilà, un Quickley qui est en difficulté, un Big Three avec Barrett qui performe, hein, trois joueurs qui sont à plus de 20 points. Voilà, quand l'équipe performe à ce niveau-là, ça nous met sur de bons rails. Une défense qui est toujours présente, et finalement les Knicks qui finissent par une troisième victoire. Cette semaine, 109 à 106, le score est beaucoup plus accroché, mais effectivement, les Pacers se sont bien défendus, même s'ils ont manqué de réalisation et d'efficacité en fin de match. Voilà, 3 victoires. On pronostiquait plutôt un 2-1, on pensait plutôt un petit faux pas éventuellement sur une des deux confrontations à Chicago. Eh ben, rien du tout. Les Knicks se sont encore invaincus et ils poussent la série à 7 victoires consécutives. Jusqu'où tout ça va s'arrêter? Jusqu'où tout ça va s'arrêter? Seb, qu'est-ce que toi tu retiens de cette semaine? Est-ce qu'il y a des choses négatives à ressortir de tout ça? Bon, déjà, mea culpa, hein, parce que moi j'avais dit 1-2. J'avais T'avais vu dit un tour. la première victoire, j'avais vu la première victoire à Chicago. J'avais dit la série va aller en 5, et puis après derrière on perd les 2 autres matchs. Et puis en fait non, parce que le deuxième match contre Chicago, hyper bien maîtrisé. On joue bien, voilà, quand on les étouffe. DeRozan marque moitié moins de points que sur la première confrontation. En fait, ben, chaque joueur des Bulls se joue les uns après les autres. Il n'y a pas de jeu d'équipe. Et nous, ben, avec notre défense en place, ben, voilà, quoi, on les a étouffés. Et puis le match de cette nuit, ben, on tombe contre une équipe Indiana qui est sûre de ses forces, qui est au complet. Qui est au complet, qui a récupéré Chris Duarte. Et puis voilà, et puis donc on s'appuie sur nos trois gaillards, quoi, sur notre Sur un Big big Three. three. Un big three, il faut Sur, l'appeler voilà. comme il faut. C'est Donc, un big three aujourd'hui. sur, ouais, voilà, donc sur Brunson, Randle, Barrett, ben, les trois ensemble, ça joue bien. Les trois ensemble, chacun en fait a son domaine de compétences. Et puis autour de ça, ben, tu as des petits gars qui m'ont marqué au moment important, comme un Grimes qui va nous mettre un 3 points important, Oh. qui va nous amener ses Bijou. 12-14 points, même si cette nuit il a été moins réussite. Mais en même temps, on lui demande pas forcément de peser en attaque, on lui demande surtout de faire le métier en défense. Moi, Il le fait bien. Il le fait très bien. Moi, Il le fait très bien. Y a un mec moi, que j'apprécie de plus en plus. Il joue, voilà, il joue sa quinzaine de minutes, même s'il ne l'amène pas, c'est Miles McBride, Juice. Je l'aime beaucoup, ce petit jeune. Il court partout, il s'accroche au gars, il lâche pas, il conteste tout. C'est une vraie sangsue. Et ça change que quand tu te rappelles des matchs, des premiers matchs, les 10 premiers matchs de la saison, où on était là, on dit, mais punaise, mais où ça va tout ça? Et en fait, ben, on a ces deux gars, et même si Quickly, je pense que Quickly, peut-être qu'il connaît aussi une chute de réussite, parce qu'aussi, il se la donne en défense. Il se la donne en défense, vraiment. Hein. Il court après les mecs, lui aussi, il conteste. Je veux dire, Quickly McBride sur ligne arrière, c'est pas cadeau. Hein. C'est pas cadeau pour les guards adverses. Donc voilà, et je trouve aussi qu'on a quand même un Mitch Robinson Oui, j'allais en parler. Mitch Robinson qui est plutôt bon, et là encore sur un match avec une opposition face à Miles Turner, un certain Miles Turner qui est toujours un peu dans est-ce que les Knicks pourraient pas un jour récupérer Miles Turner? Eh ben, il se démonte pas. Donc oui, Mitch Robinson contre des Jokic, contre des Embiid, on verra à Noël. C'est plus compliqué, normal. Là, on est plutôt sur l'élite des postes 5. Mais autrement, il se montre vraiment très très bon. Et même dans les meilleurs au niveau des rebonds offensifs. Hein. Je crois qu'il est troisième à l'heure où on enregistre la vidéo à ce niveau-là. Donc c'est qu'il a une présence au rebond, sans parler de sa dissuasion, de ses contres. Et puis là, en ce moment, on parle plus vraiment de ses fautes. Les Ah ben problèmes non, de fautes. mais ça fait un Ça a moment. disparu. C'est pour ça que moi j'ai l'impression qu'il a passé un petit cap. Parce que en effet, je trouve que déjà, il saute moins comme un cabri sur un clignement d'œil. Donc je veux dire, voilà, le mec, il est battu, tant pis. Il va pas aller faire une faute débile. Il conteste. S'il voit qu'il peut le contrer, il va contrer. Je le trouve hyper bien présent au rebond. Alors peut-être en effet, plus offensif que défensif, c'est quand même curieux. Mais voilà quoi, il y a quand même, je veux dire, quand les attaques adverses pénètrent, il y a quand même ce grand gaillard et on sent la différence. On sent la différence quand il est sur le terrain et quand c'est Hartenstein qui est à sa place ou Sims, parce qu'on ne sait pas trop finalement entre les deux qui joue 5, qui joue 4. Mais voilà quoi, je trouve qu'on ben, on a une équipe avec des mecs qui savent ce qu'ils ont à faire sur un terrain. On a nos trois gars, ils sont là pour marquer. Je trouve que Julius, cela donne un peu plus en défense. Alors attention, hein, on n'est pas, il n'aura pas le trophée Hakim Olajuwon, on est d'accord. Ah, ça sera pas pour lui. Ça sera pas pour lui, non. Mais je trouve que quand même, il fait un peu plus d'efforts, hein, c'est moins un plot. On a un Barrett pareil qui essaye un petit peu, mais on sent quand même qu'ils en gardent un peu sous le coude, qu'ils ne vont pas mettre toute leur énergie là-dessus parce qu'ils sont Qu'il attendus à faut jouer côté. aussi des deux côtés du terrain, on est Voilà, d'accord. on sait que l'initiative de l'attaque, elle passe par ces trois gars. Les mecs derrière, les autres, vous êtes là pour stopper l'attaque adverse. Et chacun le fait bien. Et c'est pour ça qu'on a ces résultats. C'est parce que chacun le fait hyper bien, quoi. Et on n'a personne qui se prend pour quelqu'un d'autre. Nos petits jeunes qui rentrent ou qui sont responsabilisés comme Grimes ou McBride. Eh ben, ils vont pas se prendre pour un Smart on pourrait comparer qui à Grimes, je sais même pas qui on pourrait le comparer, Klay mais voilà. Thompson, Klay Thompson, Klay Thompson. C'est vrai que le Klay Thompson de Wish, mais je suis Ouais, mais d'accord. bon, voilà, moins cher Non, aussi, non. hein. Ouais, mais carrément, ben, c'est Wish. Ouais, mais la qualité est plutôt bonne. Aujourd'hui, c'est quand même, effectivement, dans les stats, c'est pas forcément le joueur qui Non. ressort le plus, même si certains soirs, il va se retrouver à une vingtaine de points quand l'adresse va être là. Par contre, en termes d'apport, mais des deux côtés du terrain. Bah Alors, tu disais tout à l'heure, tiens, c'est bizarre, Mitch Robinson, il prend plus de rebonds off que de rebonds def. Mais parce que rebond défensif, des fois aussi, ça va être du Grimes, ça va être du Barrett, pourquoi pas du Brunson aussi parfois. Et du coup, ça va être plus à la relance derrière pour attaquer assez vite aussi. Là où, en rebond off, le point d'ancrage dans la raquette, celui qui va aller lutter pour récupérer les loupés de ses coéquipiers, ça va être Robinson parce que c'est comme ça qu'il a des ballons, il n'en aura pas autrement. Hein. Donc, mais en Non, tout cas, c'est ouais, Grimes, pas vrai. il est aussi très présent sur les lignes de passe. Nombre de fois, on voit des interceptions, que ce soit Ouais. sur contre-attaque ou sur repli, c'est très important, quoi. Alors oui, cette nuit, sur le match contre les Pacers, il a manqué de nous faire perdre un ballon. Enfin, il a perdu un ballon à un moment donné, Là là, je me suis sur les mordu dernières le doigt. secondes. C'est dit, aïe, aïe, aïe. Parce que le match était serré, c'était tendu, mais finalement sans conséquence. Non. Mais voilà, il a aussi cette capacité à être un peu ball handler, à attaquer des fois aussi cette petite ligne de fond où soit il finit au panier, soit il décale pour un Ah ouais. coéquipier. T'avais vu Donc vraiment un la joueur passe avec un pour QI RJ, comment basket il la très bon. sort? La passe pour RJ Ouais. après je pense que c'est le premier quart-temps, deuxième quart-temps. Comment il rentre et puis il voit RJ, comment il lui sort, et lui il rentre, il finit en plus avec la faute. Bah, voilà, il a l'œil, il a la vista, quoi. Il est. C'est un joueur d'équipe. C'est un joueur d'équipe tout Ah ouais. simplement. Autant certains, des Ça. fois, on joue avec la tunnel vision, on l'a pour RJ, on l'a pour Julius, on l'a des fois aussi parfois pour Jalen Brunson. IQ, c'est ça qu'on lui reproche aussi. Parce Il que manque. les joueurs aiment briller par l'attaque. Il y a souvent du hero ball aussi. Hein. En termes de jeu offensif, on va pas faire croire qu'on est en mode Spurs basketball ou quoi que ce soit. Mais du coup, avoir ce Miles McBride parfois, avoir ce Quentin Grimes parfois dans les rotations, eh ben, ça aide au collectif à faire fonctionner l'ensemble. Et ils sont plutôt dans l'extra passe que dans je joue que pour moi. Puis en défense, ils font les efforts et plus que les Ouais, efforts, ah c'est ouais. des sangsues. Et si les équipes adverses ont des pourcentages qui diminuent à 3 points, Bien sûr. je pense que ça y est. Enfin, je pense. C'est certain qu'ils n'y sont pas pour rien. Et il faut leur donner ce crédit. Même si c'est pas les joueurs qui vendront le Bah. plus de maillots. Même si c'est pas les joueurs qui feront les plus gros cartons offensifs, quoi. Quand tu vois le match sur la double confrontation que fait Grimes, que ce soit sur DeRozan, mais surtout sur Lavine, ouais, le mec, voilà, enfin. Moi, je pense que Grimes, il vend des maillots. Et moi, si je peux choper les maillots de Grimes, je le chope, quoi. Moi, je suis trop fan du joueur. J'adore. J'adore. Il J'espère. est discret, il n'est pas exubérant, mais il va Non, pouvoir monter mais. au dunk aussi de temps en temps et il s'est en posté Il des pas sait mal. tout Il faire a une sur le gestuelle terrain. au shoot qui est vraiment très intéressante. On comprend de mieux en mieux pourquoi il n'a pas été sacrifié sur l'été, pourquoi il n'a pas été sacrifié la saison dernière quand les Hawks auraient bien aimé le récupérer à la place de Kevin Knox pour Cam Reddish. Donc voilà, non, aujourd'hui il a clairement sa place dans le Il a starting ça 5. carrément. Et là, il a tourné à 30 minutes sur le match contre les Pacers, c'est super. Donc, ne venez plus me parler de développement de jeunes sous Thibodeau, sous les Knicks. Il y en a, il y a des bons jeunes, des moins bons jeunes, des jeunes qui vont pouvoir se développer, pour lesquels il y a un potentiel. Et là, on voit de très belles choses sans avoir des stats mirobolantes de la part de Quentin Grimes. À minute jouée, il est juste derrière les trois leaders. Hein. C'est-à-dire qu'on a Brunson, Barrett, Randle qui jouent le plus. Et ensuite, on a Grimes. Hein. Parce que la complémentarité est très bonne. Parce que Ah la bon? complémentarité est très bonne. Et je te Donc disais, et après. bravo Tom Thibodeau d'avoir revu un peu tes plans, d'avoir revu tes rotations. Je ne sais pas toi ce que tu penses de McBride. Mais moi, en effet, en attaque, c'est un peu plus compliqué. Il va nous arriver à nous mettre deux, Ouais. trois filottes ici ou là. Mais moi, j'adore la. Voilà quoi. Moi, ce que j'adore, c'est un combattant, quoi. En défense, ben, j'adore ça. Enfin, Malgré sa petite taille, ouais. il arrive à gêner ses adversaires et puis il est vraiment très mobile et en défense en transition, c'est souvent le premier qui revient. Et Donc t'as non, quand même vu McBride, très bien. quand il se met devant, là, quand il coupe justement les transitions, et quand les mecs ils veulent pas être qui se met devant, il n'y a personne qui bouge. Hein. Je veux dire, c'est un rock, le gars. Ouais, puis C'est. il est assez rapide. Il est Ouais. quand même assez rapide aussi. Donc il peut être bon sur la relance. Après, ce qui pêche avec lui, c'est clairement son adresse. Il y a des fois où il est laissé un peu libre à 3 points et ça rentre rarement. Donc là-dessus, s'il y a un axe de progression clairement Bien sûr. évident à travailler, pour lui, ça sera son adresse extérieure parce que les joueurs voilà, de ce profil auront des possibilités de shoot à 3 points. Donc si ça rentre, c'est mieux. En ce moment, ça rentre pas le concernant. Donc c'est en ça où il y a une axe de progression. Mais autrement, sur le côté collectif, sur le côté dynamique, sur ce qu'il apporte défensivement, rien à redire, rien à redire. Ah non, moi Et j'adore. dommage pour des Derrick Rose. Derrick Rose qui a pu quand même refaire sa petite sortie. Hein. Il a eu le Oui, droit à sa standing ovation à c'est Chicago. bien, c'est C'était la bien petite qu'il ait fait ça, séquence Thibodeau. émotion. C'est bien. Thibodeau connaît Chicago, hein, on le sait. Mais du coup, voilà, même si on parle beaucoup des joueurs qui sont DNP, c'est toujours les mêmes. Derrick Rose, Evan Bien sûr. Fournier, Cam Reddish. Non, Il y a eu cette petite attention. C'était aussi l'histoire d'un soir, parce que Voilà. depuis, voilà, on sait Mais que non. Derrick Rose, voilà, il fait plus de vélo que de jouer au basket en ce moment, j'ai Mais l'impression. enfin, je veux dire, on comprend amplement. Enfin, sur lui qui va me dire, mais je comprends pas pourquoi Evan il joue pas. Déjà Ah, d'une, mais tu peux être fan de certains joueurs, mais là, les résultats aujourd'hui confortent Thibodeau dans tous ses choix. je pense qu'à Evan Fournier, tu peux pas lui faire jouer du garbage, c'est pas possible. Je veux dire, c'est pas le respecter. En deuxième unit, enfin, la deuxième unit, elle tourne. Ah, petit Clairement, problème de réseau, ce que lui n'amenait pas sur le. mais... Et on a Ingram qui passe devant lui parce qu'il il amène en défense ce que lui n'amenait pas. Je veux dire, on a un McBride, c'est la même chose. On disait sur les dernières vidéos, sur en fait, désormais, en fait, vraiment, ils saquent sur la défense. On donne des ballons à nos trois offensifs, à nos trois meilleurs joueurs. Et puis on se serre les coudes, on se tient par les épaules et on fait front. Et c'est comme ça que Thibodeau marche. Et pour l'instant, ça donne cette victoire consécutive. Et let's go X! Bien sûr. on ne s'arrête plus de gagner. Je vous le dis, hein, cette série va finir par s'arrêter à un moment donné. Toutes les bonnes séries ont une fin. Toutes les bonnes choses ont une fin, sauf la banane. Non, toutes les... Je sais plus, il y a une histoire, une blague là, sur l'histoire de la banane. Toutes les bonnes choses ont une fin, sauf la banane qui en a deux. Bon, on est de bonne humeur, on raconte n'importe quoi, mais il va falloir quand même qu'on se projette sur le programme des 2 semaines à venir, parce que oui, je vous ai dit, il n'y aura pas d'épisode lundi prochain, ça sera le lendemain de Noël, on va un peu Bien sûr. souffler, mais il faut qu'on se projette quand même sur ce qui se passe, parce qu'il y a quand même d'autres matchs, et peut-être que cette série de 7 victoires, elle va prendre fin très vite. Et peut-être Ou même pas, ou pas. au moment où de l'ouverture des cadeaux, peut-être. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Allez, allez, on regarde ce qui arrive sur la quinzaine de Noël. C'est parti. Ah là là, on est de bonne humeur, on est de bonne humeur, c'est les fêtes, et puis les Knicks sont à la fête, donc qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Eh bien que ça continue peut-être, mais oui, parce que là, on attaque donc une quinzaine de Noël, on a souvent tendance à dire, ah au moment de Noël, les Knicks, la saison, c'est fini. Bah là non, peut-être. Ou peut-être qu'au contraire, elle va recommencer, elle va repartir de plus belle. À l'heure où on enregistre, les Knicks sont classés 6e de la conférence. Alors oui, la conférence S, c'est dense. Tu gagnes 2 matchs, t'en perds 2, tu passes tout de suite en haut, tu redescends en bas. Ça peut aller très très vite. Mais force est de constater que les Knicks sont dans le bon wagon. Et voilà, on ne demandait rien de plus qu'une série, histoire de prendre la confiance. Non pas de tout de suite avoir des envies démesurées par rapport à cette équipe, mais surtout de pouvoir prendre plaisir à voir des matchs et que les joueurs s'installent correctement dans des rotations. Et c'est le En cas en ce plus, moment, même s'il y a des joueurs sur la touche. on n'a pas trop de chance, c'est que les équipes de devant, elles gagnent. On a Philadelphie, Brooklyn, Cleveland qui gagnent. Bon, par contre, on a les équipes de derrière qui, elles, perdent. Mais on n'arrive pas à rattraper les équipes de devant parce qu'elles aussi, en fait, elles. En ce moment, on accumule des victoires. Donc c'est dire que les Knicks sont dans la bonne forme, sont dans la bonne dynamique. On est dans le bon wagon et les équipes de derrière, tu vois, sont en train de. Enfin, sont pas en train de décrocher parce que ça, c'est. Je veux dire, on a fini le premier quart, voilà, c'est compliqué. Puis l'année dernière, hein, tout le monde se rappelle de Boston. Hein. moitié de saison dégueu, et puis ils ont fini à bouée de canon et en finale NBA. Donc attention. Mais en tout cas, ouais, on n'arrive pas à rattraper les autres parce qu'eux aussi, ils gagnent, quoi. Mais ce qui est bien, c'est qu'on décroche ceux qui sont en dessous. Voilà, ça permet de garder quelques équipes dans le rétro et c'est pas plus mal, ça donne un petit peu de marge de manœuvre pour avoir des défaites peut-être accident. On va dire ça Voilà. comme ça. En tout cas, donc sur ces 2 semaines, qu'est-ce qui va arriver? Pas mal de matchs. 4, alors 7 matchs en tout, 4 à domicile, 3 à l'extérieur. Un peu de New York, en veux-tu, en voilà, et puis un road trip qui sera à faire dans le Texas pour finir la fin d'année. On va commencer cette semaine dans la nuit de mardi à mercredi avec la réception des champions, les Golden State Warriors. Il y a eu une défaite là-bas au match aller. Alors là, ce coup-ci, il n'y a plus de Steph Curry. Steph Curry est Non. blessé. Je ne sais plus quelle est la durée de son indisponibilité, mais il ne sera pas Blessé à présent. l'épaule, ouais. À l'épaule Tant ou au mieux. bras. Pour le coup, essayons d'en profiter peut-être pour accrocher une victoire de prestige, pour pouvoir pousser la série à 8. Hein, on va voir si le retour à la maison est. Et aussi victorieux, ça serait dommage d'arrêter cette série de victoires par une défaite à la maison, mais bon, on verra. Ensuite, Un back-to-back, du coup, avec la réception des Toronto Raptors, une équipe qui est pour le moment classée plutôt derrière les Knicks. Mais attention, un effectif qui est très intéressant, qui est Et qui très est sur une dense. sacrée. Eux, ils sont sur une belle série de douze. Série de défaites. Ouais. Donc, est-ce qu'au contraire, ça va profiter à New York? Attention, attention, parce que voilà, l'opposition Siakam, Randle, Fred Van Vliet, Jalen Brunson, RJ Barrett contre l'équipe de chez lui, parce que c'est un natif de la région de Toronto, faut-il le rappeler. Donc voilà, ça va être une affiche intéressante, un concurrent direct. Autant en principe, les Warriors sont à classer au-dessus des Knicks, donc une défaite contre les Warriors serait pas complètement scandaleuse, même si là, attention, pas Curry, il faut peut-être en Ouais, profiter. ah ouais. Mais Toronto, c'est plutôt le genre d'équipe qui se retrouve dans le range des Knicks au niveau de la Complètement. course pour la post-season. Donc ça va être un match intéressant. Et puis derrière, quelques jours après, la veille de Noël, on va retrouver les Chicago Bulls. On leur a mis deux fois la fessée chez eux. Est-ce qu'ils vont enfin se réveiller? Ils en ont Ils pris sortent 150, hein? d'une grosse défaite, une grosse rouste face aux 150 Nuggets. points. Les Wolves. Attention! Non, non, face aux Wolves sans Ah, les Gobert. Wolves, moi je croyais que Ouais. c'était les Nuggets, moi, Non, mais non, bref. sans Gobert, sans 4, avec un Edwards qui leur a fait la misère. Ils prennent 150 points. Ah, c'est Oui, aïe, aïe. cauchemar Et best. attention, Cauchemar best. faut le préciser, sans overtime. Sans Oui, overtime. Donc, ouais. c'est la crise à Chicago. Ah. Voilà, ça peut être l'occasion de se refaire s'il y a quelques loupés en début de semaine. Et puis, le match qu'on attend tous. Enfin, qu'on attend tous. C'est toujours un match un peu différent. J'ai sorti le jersey de Noël, vous savez pourquoi? Parce qu'à Noël, il y a le marathon des matchs et les Knicks vont faire l'ouverture de la soirée. On va 18h. encore avoir l'occasion d'en reparler parce que ce match, il est un peu particulier et je vous avais promis une petite surprise. Il va falloir qu'on en parle après. Là, on débriefe tranquillement le calendrier. Réception de Joel Embiid, James Harden. Il y a un barbu. Est-ce que le barbu va être généreux avec les Knicks? Ça va être au contraire plutôt en mode père fouettard. On verra. Petite affiche, c'est jamais évident les matchs de Noël. Hein. Bon, là, un match tôt pour eux, tôt pour nous qui allons débuter les Christmas Day avec cette affiche. Bon, voilà, ça sera la première semaine, la semaine de Noël. Puis ensuite, donc, j'ai évoqué un road trip avec déplacement chez les Mavs, à San Antonio et à Houston. Donc, il y a un petite retrouvaille, petite revanche à prendre contre les Mavs. Les Spurs et les Rockets n'ont pas encore été joués par les Knicks, des équipes qui Non. sont plutôt dans la course au tanking. Donc là, il vaudrait mieux finir l'année de la bonne façon pour pouvoir récupérer des victoires. Mais voilà, on a un bon range de 7 matchs. Jusqu'à présent, on Ouais. donnait des pronostics sur une semaine, on n'était pas trop loin de la vérité. Tu te mouilles le premier sur ton prono Allez, de allez, cette allez. quinzaine de Noël? Allez, allez. Alors, écoute, moi je pense en effet qu'il faut surfer sur. Là, on a un Curry qui ne peut pas venir taper des records à la maison cette fois-ci. Parce qu'il n'est pas là, et parce que le record, il a déjà tapé. En Donc, plus. je pense que ce match-là, il faut le prendre. Jusqu'à présent, sauf accident, voilà, contre OKC, sinon les matchs qu'on devait prendre, on les a pris. Et c'est vrai que là, ces 2 semaines, c'est vrai qu'on se dit, tiens, on est sur une série de 3 victoires. Mais attention, mais je pense que maintenant, quand même, on a un panel de matchs un peu plus élargi. On a compris comment ça jouait. On a compris qui jouait, comment ça jouait, quel rôle avait chacun. Donc, et que la défense était là aussi, était retrouvée, mine de rien. Et ça, c'est super important parce que ben, un match, ça se gagne aussi par la défense. Donc, Ouais. moi, je pense que, je pense que Philadelphie, en tout cas sur la première semaine, enfin, je ne sais pas si on peut le compter la première semaine, le match de Philadelphie, ça fait 4 matchs. Si. Ouais, allez. Moi, je dis sur la première semaine, on fait un 3, on fait un 3-1, tu vois, je suis hyper optimiste. On perd, malheureusement, contre Noël, on sera triste. Mais bon, on aura eu 3 victoires avant. Peut-être une prolongation contre Toronto, parce que c'est une équipe qui va pas nous, qui va pas, qui va être compliquée. Donc, je dis 3-1, mais mon esprit voudrait 2-2, parce que c'est vrai que Toronto, à un moment donné, ils vont se relancer. Mais allez, toi, je vais être comme toi, je vais être optimiste. 3-1, et sur la deuxième semaine, attends, Dallas, ils sont au fond du trou. San Antonio, ça, c'est une équipe Attention à faible. Kemba, attention à Kemba. D'accord, Son d'accord. revenge game, on ne sait pas. Ouais. Oui, mais de l'autre côté, il y aura la petite vidéo sympa pour Jimmy, tu vois, regardez un petit peu. Il sera Ouais. content, il voudra Son retour chez montrer, lui, ouais. boum, il doit taper le record 45 points. Donc, Deuxième semaine Attention, A. là on est dans le prono et puis on est carrément dans. On annonce les records, attention. Mais bien sûr, mais il faut y aller à fond. Et donc, la semaine dans le Texas, on y va. 2-1, match accident, on perd San Antonio. Oh, d'accord. Voilà, on a tout. Donc pour toi, ça nous fait un 5-2. Bien sûr. Allez. Wow, allez, grosse confiance, 5-2. Bah, il me. Oui, 5-2, 5-2, 52. Je sais pas quel département de France ça Mais représente, le 52, j'avoue, je ne sais pas. mais c'est pas ma mais c'est pas ma faute. C'est eux qui me donnent la confiance. C'est Très eux qui me bien, donnent de très bien, très bien. l'espoir, tu vois. Très Donc bien, très bien. voilà. Donc je vois un accident, tu vois, contre San Antonio, parce que c'est, tu vois, c'est une équipe qui peut nous faire déjouer comme ça. Et le match perdu parce que Philadelphie, c'est quand même très fort. Hein, Embiid, Harden, Tobias Harris, enfin c'est quand même très fort. Donc je pense qu'à un moment donné, au métier, ils vont gagner. Mais ouais, allez, 5-2, allez, c'est parti. Ah là là, ça ferait un bon bilan. Je pense qu'on peut être preneur de ce genre de pronostic. Alors moi, je vais essayer de me mouiller aussi, de réfléchir un peu à tout ça. Il est vrai qu'en ce moment, les Knicks défendent mieux. Et défendent mieux notamment la ligne à 3 points. On sait qu'il y a un paquet d'artilleurs, même si Curry n'est pas là, du côté des Warriors. J'ai bien l'impression qu'on va pas le prendre celui-là. Je sais pas pourquoi, Wiggins, Klay Thompson, Jordan Poole. Il y a quand même pas mal d'options offensives. Ça a été compliqué au match aller sans un Curry sur une autre planète, même s'il avait été bon, comme à chaque fois, comme souvent. Mais j'ai l'impression que non. Là, ce coup-ci, la série passée à 8, ça me semble compliqué. J'avais déjà un doute contre Indiana, même si j'avais pronostiqué la victoire. J'ai pas été serein, serein quand j'ai regardé les matchs en replay. Mais voilà, j'ai l'impression que non, ce retour à la maison, il va pas être bon. Et je verrai plutôt une défaite contre les Warriors. On verra. Toronto, un match accroché. Et je vois aussi une deuxième défaite, malheureusement. Aïe, Oh aïe, aïe, aïe, aïe. Après, je peux me tromper, hein. Mais je vois Toronto, tu le disais, qui a besoin de victoire, se relancer. Alors, Chicago a besoin de victoire, mais ce coup-ci, non. Ce coup-ci, non, on la prend. Et par contre, le match de Noël, compliqué, c'est jamais une grande réussite. Il va y avoir Joel Embiid face à Mitch Robinson. Il y a le cœur et la raison. Le cœur voudrait une victoire. La raison me fait dire que Philadelphie est au-dessus aujourd'hui dans le classement et au-dessus en termes de talent. Par contre, le match de Noël, c'est jamais un match comme les autres. Est-ce que Brunson va faire un gros match? Allez, allez, je suis fou. Et là, je dis victoire des Knicks. Donc ça ferait un 2-2 sur cette semaine. 2-2 avec une victoire et avec un Brunson qui nous fait une. Et en Ah là plus, là, alors que. on commence mal et on finit bien, quoi. Ah Ouais, alors que ouais, moi ah ouais. j'ai mon retour caméra qui est perdu, mais vous me voyez toujours a priori, vous m'entendez aussi, donc c'est parfait, on va rester sur ça. Et par contre, déplacement dans le Texas, donc j'en étais à 2-2, ouais, il y a une revanche à prendre à Dallas, mais ça n'a Ah pas ouais. été évident. Est-ce que Jalen Brunson va être dans l'émotion sur cette rencontre? Oh, il a le Je ne sais pas, sang-froid. je ne sais pas. Ouais, mais Il a le sang-froid. ça avait pas été un grand match, ça avait pas été un bon match de sa part pour la réception de Dallas. À voir si ça le chamboule ou pas. J'ai envie de le prendre aussi ce match. Et puis après les Spurs, non, on va pas perdre aux Spurs. Par contre, c'est pas impossible qu'on ait un accident à Houston. Et donc je verrais plutôt un 2-1 sur la deuxième semaine. Donc pour moi, ça serait plutôt un 4-3. Donc un bilan. Légèrement équilibré avec des accidents, avec des séries qui vont finir par s'arrêter, On mais a bon, inversé voilà. les Moi, rôles. c'est ce ouais. Non, mais après, ouais, c'est pas évident de pronostiquer sur 2 semaines, hein. C'est pas évident. D'habitude, on a une dynamique sur une semaine, on peut plus ou moins voir juste. Là, J'ai sur deux cru que tu semaines, allais à me voir. dire, sur la première semaine un 1-3, tu vois. Ah, bah, je prends un risque, je prends un Non, pari sur le match de Noël. On verra, on verra. mais c'est possible, mais. Tu vois, t'es assez pessimiste pour Golden State. Ils sont pas sur. Alors ouais, ils ont gagné Toronto cette nuit, mais ils étaient pas quand même, tu vois, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur les 8 derniers matchs, ils en ont gagné 3. Hein. Donc, tu sais Ils ont du que. mal, ils ont du mal à l'extérieur. Mais voilà, je demande qu'à me tromper. Hein. Et malheureusement, je pronostiquais un peu l'Argentine victorieuse. Bon, j'aurais peut-être dû Ah faire là là là là. comme Drake qui a parlé 1 million, manque de bol, ou 2 millions, je sais plus combien il a parié, de dollars. Hein, on n'a pas les mêmes revenus dans la vie. Malheureusement, ça rentre pas en considération sur le temps additionnel. Donc au final, il n'a pas gagné son pari. Ah là là, sacré Drake. Drake de Toronto, qu'on salue, tabernacle. Bien sûr. N'oublie pas de t'abonner, Drake, parce que ça te fera. Ouais, Drake, mets un pouce sur la vidéo au passage. Petit placement. Bon, on va vite fait, parler des rumeurs de trade. Vite fait. Bon, j'ai eu l'occasion de m'exprimer parce que j'ai été invité par nos amis de The Free Agent, par nos amis de TBA sur 2-3 lives sur Twitch et YouTube cette semaine. En ce moment, les Knicks suscitent de l'intérêt, sont pas mal sujets à des Bankable. discussions. Bankable, ouais, et ça risque de le devenir de plus en plus. C'est plus compliqué de troller les Knicks quand ils gagnent, forcément. Par contre, on sait que dès qu'il y aura des défaites, ça va revenir. On Ah, les loups vont connaît, on sortir, les connaît. loups vont sortir du bois. Ouais, je pense qu'en ce moment, ils rongent leurs freins, les loups. Et donc, du coup, bah, les rumeurs de trade, il y en a encore toujours, et notamment vis-à-vis des joueurs qui sont en DNP. Mais Derrick Rose a réaffirmé qu'il était content de là où il est, qu'il est un gagnant. Oui, Derrick Rose est un gagnant, même s'il ne joue pas, il est content que l'équipe gagne. Il garde cette mentalité de mentor, et donc ça, c'est une attitude de leader et de vétéran qu'on peut saluer. Les autres, bah, Evan, il prend son mal en patience, il a suivi la Evan, Coupe du Monde. il attend que partir. Il attend Lui qu'à partir, par et on lui souhaite contre, de trouver une porte de sortie. Ça parle des Lakers, à voir quelle contrepartie pourrait être récupérée dans un deal ça fait un éventuellement moment avec que les ça parle des Lakers. Lakers, ça. Ça fait un moment. Les Lakers qui ont besoin de shooting, les Lakers qui viennent de perdre Anthony Davis pour un mois, Ouais. sur blessure encore. C'est ça. On a une certaine habitude avec Anthony Davis. À voir si quand la KNF se déplacera à Los Angeles en mars, il sera remis. On verra quelle équipe affrontera les Knicks à ce moment-là sur le déplacement californien. Mais voilà, et puis Cam Reddish, pareil, qui est plus ou moins aussi pressenti dans des rumeurs. Mais pour l'instant, rien de très très crédible. Et puis, ça donne pas forcément une urgence à bouger côté New York, puisque les victoires sont là. Ben Donc, oui. pourquoi faire un move panique alors que l'effectif se comporte plutôt bien, même en effectif raccourci. Hein. Et en De plus, quoi ont besoin les Knicks aujourd'hui? Bah, de continuer de gagner, tout simplement. bien sûr, et en plus, tu as vu la déclaration justement de Derrick Rose, c'est que il prend le même rôle qu'il avait avec IQ et Obi sur leur saison rookie. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, il a pris Juice Un peu sous son et aile pour. Grimes, ouais, il les a pris sous son aile. Je pense que ça leur fait bien aussi, tu vois, d'avoir un vétéran qui leur explique les ficelles du métier, peut-être en les rassurant, en disant, bon, écoute, ça s'arrête pas là, c'est pas grave, parce que si, à un moment donné, ça va venir, continue à bosser ça, continue à bosser ci. Donc, c'est un bon mec, c'est un bon mec, quoi, de groupe. Après, évidemment, je pense que ben, il n'est pas satisfait, surtout qu'il a fait quand même un travail cet été, il a perdu du poids, je pense qu'il avait d'autres ambitions pour cette Il a arrêté les saison. bonbons. Bon, Il a arrêté les bonbons. ouais. Donc voilà, et je pense que tu vois, un mec comme Cam Reddish, lui, il n'est pas du tout dans cette optique-là. Lui, ce gars-là, il attend qu'une chose, c'est une porte de sortie. Et Evan, je pense que c'est la même chose. Lui, il attend qu'une chose, c'est une porte de sortie, c'est rejouer dans une autre équipe. Et peut-être même avoir un malin plaisir, s'il rencontre les Knicks, à essayer de faire un carton. Ah, Donc, ça, on sait comment ça se passe quand les joueurs d'Enix reviennent contre leur ancienne ça. équipe. Donc, ouais, j'espère que Leon Rose. Bah en plus, là, on a passé la date fatidique du 15 décembre. Qui, Il y a certains joueurs qui peuvent commencer à être transférés. On voilà. pense à Jalen Brunson. Ouais, quoi? Doucement, Oui. Les doucement. joueurs signés cet été Ça y peuvent est. de nouveau être transférés. Donc, Isaiah Hartenstein aussi. Donc à ouais. voir. Mais Je bon, pense que ça va commencer à dégainer en janvier, je pense. En janvier, ça va commencer à dégainer. Donc, bah, je pense que cette situation va se décanter là. Je connais pas la date de la deadline. De toute façon, c'était en février comme d'hab, mais je sais pas exactement quand est-ce qu'elle est. On va la retrouver, on a encore un petit peu de temps devant nous, mais en Oui, tout cas, les certes, mais résultats en ce moment n'imposent pas un move panique dans l'urgence. non. Les choix faits par Thibodeau sont plutôt payants. Bien sûr. Effectivement, Cam Reddish, bah, lui, il avait un contrat à aller chercher, et bah, c'est pas en étant au bout du banc qu'il va Non. augmenter sa valeur. Derrick Rose, Evan Fournier, ils ont déjà des contrats, mais bon, ils ont un rôle de vétéran qui est plus en train de patienter. Affaire à suivre, affaire à suivre. On aura l'occasion, je pense, de reparler des rumeurs et peut-être de trade dans les semaines à venir. Dans les semaines à venir. En tout cas, il va falloir qu'on parle des bonnes choses aussi. KNF Attention, TV. roulement de tambour, Attends, la surprise, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ah, La surprise, ça bah, arrive. ah, Mais quand même là. avant, parlons de ce qu'on vous a sorti sur KNF TV, parce que voilà, on parle d'actu, ah, oui. On fait du blabla, mais on vous a sorti un contenu la semaine dernière, le fameux Nix and Connect, les connexions d'Enix dans la culture. Voilà, les Nix sont cool, hein. Il y a des influences d'Enix où on voit des fois des apparitions d'Enix. Là, on vous a sorti un épisode, les petites pépites, épisode 2 de la série Nix and Connect. Alors là, on est orienté sur la musique. Il y aura d'autres contenus de ce type à venir. Voilà, ça vous fait découvrir des artistes, redécouvrir des clips musicaux, mais voir aussi que Lennox, ah bah tiens, ils étaient là. Ah mais oui, c'est vrai, je me rappelais plus. Voilà, c'est l'occasion de découvrir certains artistes avec des univers plus ou moins farfelus. Des chansons en hommage à Julius Randle. C'est ce que j'allais dire. Si vous aimez Julius, regardez cette vidéo. Parce qu'à un moment donné... Si vous aimez la K-pop, oui, j'ai découvert des artistes aussi en faisant ces recherches, qui arborent parfois des jerseys d'Enix. Donc comme quoi, on a des belles couleurs et ça inspire. C'est pas le plus beau de la Nix, ce logo, là, quand même. Ah, moi j'aime beaucoup. Bien sûr que si. Mais voilà, ça c'était pour le contenu KNF TV. Il y aura d'autres contenus. Vous savez qu'on alimente la chaîne. Donc si vous voulez être sûr d'avoir les informations quand les contenus de la chaîne arrivent, il y a tous les lundis ou presque. Hein, on va faire une petite pause là. Le Avenix Week. Et puis il y a aussi des contenus qui arrivent régulièrement. Donc les pouces, les cloches, abonnez-vous. Ça coûte rien et ça permet d'en profiter. Et nous, ça nous fait plaisir parce que on voit que finalement, notre vidéo, ce qu'on a dit, tout ça, ça vous a plu. On essaie de vous divertir par un temps aussi, voilà, un peu humoristique. Donc ça, c'est vrai que ça fait du bien. On n'est pas des comiques, mais il faut prendre ça avec légèreté. Ouais. Bien sûr. Et pensez aussi, si vous pouvez, à faire un petit tour sur le blog. Parce que il y a de super articles, notamment à Kevin qui a fait un super article sur Tom Thibodeau. Et faut pas hésiter à aller faire un tour sur le blog ou sur le Facebook de la KNF. Parce que sur Instagram, on est partout voilà, en fait. La KNF est partout. C'est repartagé, il n'y a qu'à cliquer dessus. Et voilà, donc vraiment un gros cœur à Kevin parce que il est arrivé récemment dans l'équipe éditoriale, bon, qui était de deux personnes jusqu'à présent, mais maintenant un peu plus. Et c'est vrai qu'il y a quelques contributions occasionnelles, mais effectivement, si vous êtes une âme d'auteur, d'artiste, de créateur, n'hésitez pas, hein, on a toujours la porte ouverte pour accueillir vos contributions. Mais voilà, sur le blog, il y a de super trucs, il y a du super contenu, on prend du temps à écrire, on prend du temps à réfléchir sur des choses. Donc n'hésitez pas aussi à y faire un petit tour pour voir un peu nos bêtises, quoi. Donc c'est sympa. Tu en parles très bien. Et d'ailleurs, il y a une petite lettre au Père Noël qui est arrivée il n'y a pas longtemps. On vous invite à aller la lire. On verra si le Père Noël est généreux. En tout cas, en parlant de Noël. Il va falloir qu'on en parle. Le roulement de tambour. Alors, j'ai pas sorti le vieux pull moche de Noël de l'année dernière. Moi, j'ai pas de pull d'Enix, j'ai vraiment un pull moche de chez Moche. Mais ça gratte et tout. Je préférais le jersey de Noël. Parce que c'est l'heure de la surprise. Oui. Pour vous, fidèles auditeurs, spectateurs de KNF TV, pour vous, la fanbase, pour vous, les adhérents, pour vous, tous ceux qui aimaient l'Enix, on relance le jeu concours de Noël pour cette seconde saison de KNF TV. Il y a des infos dans le flyer, je vais vous en parler. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a gagné? Parce que Noël, c'est des cadeaux. Ça va être très simple. On va faire la même formule que la saison dernière. Alors, cette saison, il n'y a pas de jeu des pronos comme on pouvait l'avoir les saisons passées sur Facebook. Ça reviendra. On travaille sur une nouvelle formule pour la saison prochaine. Mais en tout cas, on remet la dose, on remet tout ça d'équerre pour KNF TV, le jeu de Noël, la vidéo de Noël. Donc ça sera sur cette vidéo-ci que vous êtes en train de regarder dans la section des commentaires. Il va falloir mettre des petits commentaires, il va falloir mettre un petit pronostic, il va falloir mettre un pronostic sur le résultat du match de Noël. Nous, on a fait rapidement les malins sur notre pronostic tout à l'heure. Est-ce que les Knicks vont gagner ou perdre? On vous a bien aidé, il y en a un qui a dit qu'on allait gagner, l'autre qui a dit qu'on allait perdre. Donc avec ça, débrouillez-vous. Tout simplement, mais voilà, donc il faudra mettre le résultat. Est-ce que les Knicks vont gagner? Est-ce que les Knicks vont perdre? Et puis nous donner une indication sur un écart. Est-ce que les Knicks vont gagner de 10 points, vont perdre de 10 points, de 5 points, de 3 points? Vous donnez ça en commentaire, avant bien sûr le match de Noël, parce que sinon c'est un peu triché, on est d'accord, et on n'aime pas les tricheurs. Et puis du coup, en fonction du meilleur résultat, il y aura un gain, il y aura un cadeau. Le cadeau, il est dans le flyer. C'est pas n'importe quel cadeau. La saison dernière, on vous avait fait gagner une pop, une figurine, les petites figurines en vinyle à l'effigie de Spike Lee, le fameux Love and Hate en mode cérémonie des Oscars, parce que Spike Lee, il n'y a plus besoin de le présenter. Il y a une vidéo sur la chaîne qui présente son histoire. Fan numéro 1. Ah, le fan le plus célèbre. Hein. Nous, on n'est que des fans anonymes. Lui, c'est le fan le plus célèbre d'Enix. Et du coup, eh bien, vous avez à gagner un visuel réalisé par Naiko. J'espère que j'écorche pas son nom. Naiko Graphic Shop, un artiste français qui fait des réalisations franchement de toute beauté. Allez voir son compte Facebook, sa page Instagram, ou l'inverse, sa page Facebook, son compte Instagram. En tout cas, Naiko est notre partenaire sur ce jeu de Noël et vous offre un t-shirt à gagner donc à l'effigie de Mookie, le fameux personnage incarné par Spike Lee. Franchement, une super réalisation. Le t-shirt, bien sûr, sera à gagner pour celui qui trouvera le résultat du match de Noël, le plus juste ou le bon résultat. Donc là, s'il y a des ex-échos, il y aura un tirage au sort. Toutes les règles du jeu seront sur le blog de Nix Nation France. Donc vous pourrez regarder ça si c'est pas très clair. Donc il faudra s'abonner à Nix Fan KNF TV, pardon, je bafouille. Likez la vidéo, ça fait pas de mal. Mettre votre commentaire avant 18h le jour de Noël. Donc allez-y quand vous voulez. Nous, on validera les bonnes réponses. Et puis le gagnant sera connu. On recontractera pour qu'on puisse lui remettre son lot. Donc voilà. KNF TV, c'est ça, c'est aussi faire plaisir à ceux qui nous regardent, ceux qui nous donnent du soutien. La fête de Noël. Et puis mettre en avant les artistes aussi qui réalisent de super choses. Donc Naiko, qui a un shop en ligne, il y a d'autres réalisations. Nous, on fait gagner le t-shirt de Spike Lee, parce que voilà, Spike Lee, c'est le poteau. Mais il a d'autres superbes réalisations sous forme d'affiches, sous forme de toiles, sous forme de t-shirts. Donc n'hésitez pas à regarder, ça peut aussi être des idées de cadeaux. Il y a un petit code promo en ce moment que vous trouverez sur son site pour la période de Noël. Donc si vous n'avez pas l'occasion de gagner le t-shirt avec le concours, bah, vous pouvez peut-être vous refaire en second tour et vous procurer le t-shirt si vous l'avez pas gagné, hein, si vous l'avez pas gagné. Donc voilà, donc ça c'est le jeu concours. C'est le jeu concours qu'on met en œuvre pour ce Noël. Donc voilà, donc j'espère que vous allez apprécier. Les fidèles de spectateurs de la vidéo se reconnaîtront. On les a big up. Tu voulais peut-être faire un big up ou deux, Seb, avant qu'on rende l'antenne et qu'on mette en ligne cette vidéo. Ouais, c'est ouais, l'occasion, bah, c'est le moment. Je voulais passer un bonjour à Pierre-Alexandre, à Nico, à Thomas, et également un fidèle viewer de notre chaîne aussi, à Schaeffer Raymond, voilà, qui sont là. Et voilà, donc merci à vous tous d'être présents aussi avec nous. Donc avec certains, voilà, quoi, on discute, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp ou ailleurs. En commentaire de ces vidéos, hein. Allez-y, on est là pour échanger, on lit vos commentaires. Bien sûr, donc en tout cas, voilà, merci à tous. Je vous souhaite de bonnes vacances et un joyeux Noël et une bonne année à vous tous. Et voilà, donc je voulais leur passer un petit coucou, un petit big up, quoi. Eh bien, ça va être à mon tour. Bah écoutez, je vais également souhaiter de bonnes fêtes à tous et à toutes ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur les événements. On va vous retrouver très prochainement pour les événements de l'association. Et il y a notamment deux voyages qui se programment dans les quelques semaines à venir. Donc tout ça est en préparation, il y a de belles choses qui arrivent. Merci pour votre soutien sur tous les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien sur YouTube, forcément. Le podcast, on va sûrement en enregistrer un prochainement. Hein. Il y a quelques épisodes qui sont en préparation. Le jeu de Noël, c'est pour vous. Faites-vous plaisir à liker. Moi, je vais participer aussi. Sait-on jamais, peut-être que j'aurai le bon résultat. Ah. Auquel cas, je vais pas gagner, moi, le lot. Hein, mais voilà, on trouvera quelqu'un pour gagner. Il y aura de toute façon un gagnant ou une gagnante. Parce que oui, les t-shirts existent aussi en modèle féminin. Donc, mesdames, mesdemoiselles, allez-y. Faites-vous plaisir, vous pouvez aussi participer. Voilà. Bon, c'est le dernier épisode de cette année 2022, le 39e de la chaîne. On attaquera l'année 2023 avec le 40e. Oui, oui, déjà 40 épisodes où on raconte des choses sur l'Enix avec nos Prédispo avec un 5-2. On verra, on verra. On refera le bilan à ce moment-là. En tout cas, d'ici là, passez de super fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos familles. Et puis, let's go, Nyx. Passez des bonnes Ciao, fêtes à ciao! tous. Allez, joyeuses fêtes et Joyeuses à très fêtes. bientôt sur KNF Et TV. go, your go. Ciao, ciao! Go! Allez, c'est parti. Bonne fête à tous.